Ésaïe chapitre 4. Et en ce temps-là, sept femmes prendront un homme seul, en disant, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits, seulement que ton nom soit réclamé sur nous, ô notre propre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel sera plein de noblesse et de gloire, et le fruit de la terre plein de grandeur et d'excellence, pour ceux qui seront réchappés d'Israël. Et il arrivera que celui qui sera resté dans Sion, et qui sera demeuré de reste dans Jérusalem, sera appelé saint, et ceux qui seront dans Jérusalem, seront tous marqués pour vivre. Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, et qu'il aura essuyé le sang de Jérusalem du milieu d'elles, en esprit de jugement, et en esprit de consomption par le feu. Aussi l'Éternel créera sur toute l'étendue du mont de Sion, et sur ses assemblées, une nuée de jour avec une fumée, et une splendeur de feu flamboyant de nuit, car la gloire se répandra partout. Et il y aura de jour une cabane pour donner de l'ombre contre la chaleur, et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie.